Si la neige est au rendez-vous, je saurai trouver tes traces dans la nuit de Noël. Nos peines s'effacent. Une fois par an, on est tous présents. Prenons le temps. Le soir de Noël, la nuit est belle. C'est le moment. Le lendemain vient le matin de Noël. Si la neige est au rendez-vous, je que soit nos